C'est nous les joyeux zigonautes, donneurs de tambons sous la flotte ou sur le bitume. Peu importe, les huileurs de zigots, c'est nous rire en cascade et danse des genoux aux chats tous qui nous trouvent mous. Nous savons cette villasse, l'humain qui ne trouve sa place de parking à la Croix-Rousse, sur ce monde si fou la fosse. Dans nos livres de leçons, zigot prêt à la soumission, sur nos tablettes d'un précepte, life is not a savonnette. Dans nos livres de leçons, zigot prêt à la soumission, sur nos tablettes d'un précepte, life is not a savonnette. Nous v'las aux rues, les cosmonautes, dans la lune, pas besoin de carottes pour avancer. On a deux pieds, si un vendeur devant s'avise de nous vendre avec une remise, une brise, nous on le paye en bise. Cette vie-ci est si dure pour qu'il cherche nourriture, alors que tout le monde le sait, seul Exol fait tous manger. Dans nos livres de leçons, dans la lune on est loin des cons, sur une tablette à précepte, nos mains sont pas des arbalètes. Dans nos livres de leçons, dans la lune on est loin des cons, sur une tablette à précepte, nos mains sont pas des baïonnettes. Bâti au pied de bout,